tu apprends comment choisir tes immortels du bout des doigts, du fond des yeux. Tu fais lentement le pas et je suis là qui ne les voyait pas, mais qui te voit cueillir ces immortels à petits pas, à gestes heureux, le sourire qui va. Et j'attends là, je me presse déjà, mais je te vois cueillir ces immortels. C'est pour nous trois et peut-être pour elle qui sûrement les verra, ces immortels. Qui font que tout ne sent